Chapitre 12e. J'ai fait le tour de l'hémisphère austral dans de hautes latitudes, et je l'ai traversé de manière à prouver sans réplique qu'il n'y a point de continent, à moins qu'il ne soit près du pôle, hors de la portée des navigateurs. Nous ne mangeons depuis plusieurs semaines que de très vieilles provisions salées, qui inspiraient à tout le monde un extrême dégoût. Ces raisons m'engagèrent à céder aux vœux généraux de l'équipage et à gouverner sur le cap de Bonne-Espérance. Le 17, par 23 degrés 49 minutes de latitude sud et 22 degrés de longitude est, nous vîmes terre à environ 6 lieues de distance. Le 18, je fis mettre une chaloupe en mer et j'envoyai à bord de deux vaisseaux qu'on apercevait à 2 lieues environ. À 1h30, la chaloupe revint. Des matelots anglais qui se trouvaient à bord du vaisseau qu'elle avait accosté dirent à nos gens que l'aventure était arrivée au cap de Bonne-Espérance une année auparavant et que l'équipage d'une de ces chaloupes avait été massacré et mangé par les habitants de la Nouvelle-Zélande. Le 22 mars, nous aperçûmes la montagne de la Table et la ville du Cap. Ce jour-là même, qui était pour nous le mercredi 22, mais pour les habitants du Cap le mardi 21, nous jetâmes l'ancre dans la baie de la Table. J'appris alors que l'aventure avait relâché au Cap retournant en Angleterre, et j'y trouvai une lettre du capitaine Furneaux qui m'avertissait de la perte de sa chaloupe et de 10 de ses meilleurs matelots dans le canal de la Reine Charlotte. Il m'a communiqué depuis, à mon arrivée en Angleterre, une narration complète de son voyage depuis le moment de notre séparation. Nous éprouvâmes un plaisir inexprimable en recevant des nouvelles de nos amis d'Angleterre, nous nous sentions renaître en conversant avec des Européens. Le vent devenant bon, nous appareillâmes le 27 mars. Le 15 mai, nous découvrîmes Sainte-Hélène, et à minuit, nous mouillâmes dans la rade. Le 21 mai, je quittai Sainte-Hélène, et le 28, je découvris l'île de l'Ascension, où je mouillai jusqu'au 31. Le 11 juin, à 3h de l'après-midi, nous passâmes l'équateur par 32 degrés 14 minutes de longitude ouest. Le 13 juillet 1775, nous découvrîmes l'île de Fayal, une des Açores. Le 19 juillet, je quittai la baie de Fayal, et mis le cap sur l'île Saint-Georges. Dès que nous l'eûmes dépassée, je me dirigeais en hâte du côté de l'Angleterre. Le 29, nous découvrîmes terre près de Plymouth. Le lendemain matin, nous mouillâmes à Spithead. Le même jour, je débarquai à Portsmouth et je partis pour Londres. Il s'était écoulé 3 ans et 18 jours depuis notre départ d'Angleterre, et dans une navigation si longue à travers tous les climats, je ne perdis que 4 hommes. Un seul mourut de maladie. Ce n'est pas à moi de dire jusqu'où j'ai rempli l'objet de cette expédition. Ainsi s'achève le deuxième voyage, 1772-1775, des 3 voyages autour du monde du capitaine Cook, raconté par lui-même.